ne se passe pas une semaine sans sa pléthore de publications scientifiques liées à la recherche contre le cancer et guerre de temps non plus entre chaque flopée de grands titres type une nouvelle percée thérapeutique, une piste vers un nouveau traitement révolutionnaire, voire bientôt la fin du cancer. Alors que faut-il penser de l'objectif de 3 cancers guéris sur 4 et de 9 enfants sur 10 à l'horizon 2030? En cette journée internationale de lutte contre le cancer, nous faisons le point sur l'état de la recherche en oncologie, des nouveaux traitements prometteurs aux pistes de dépistage précoce. Dernière nouvelle du cancer, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour faire ce point, ce tour d'horizon un peu de l'état de la recherche en oncologie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Geneviève Almouzni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS de l'équipe dynamique de la chromatine à l'Institut Curie. Et bonjour Olivier Delattre. Bonjour. Vous êtes médecin-chercheur et directeur de l'unité mixte génétique et biologie des cancers, unité mixte INSERM Institut Curie. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur France Culture, en replay via le site de France Culture, franceculture.fr, en podcast via cette fois votre application de podcast favorite. Et puis comme toujours, en complément de cette émission chaque jour sur notre fil Twitter, @laméthodefc, où on va poster bien précisément des liens vers un certain nombre d'études qui ont été publiées ces derniers mois dans la recherche en oncologie. Alors pour prendre la mesure de l'ampleur des progrès effectués dans la recherche sur et contre le cancer, nous avons retrouvé cet archive qui date de 1938. Écoutez le compte-rendu des recherches du docteur Louis Revelis, qui évoque au micro de la radiodiffusion française les liens expérimentaux qu'il a établis entre le cancer et la syphilis notamment. Quelle est la vérité sur le cancer, cette terrible maladie qui décime des centaines de milliers de personnes chaque année et tend à accroître de plus en plus son activité néfaste? Le cancer est le fils de la syphilis et tout être humain qui, dans le courant de sa vie, contracte cette maladie et a été traité ou non traité par les méthodes classiques connues est candidat au cancer. J'ai travaillé sur cette maladie dans mon laboratoire d'Anguin pendant de longues années, et les faits irréfutables que j'ai obtenus prouvent surabondamment que ce que je viens de vous dire est malheureusement vrai. Le cancer est contagieux et héréditaire, au même degré que la syphilis, et en disant cela, je n'exagère pas, je suis encore au-dessous de la vérité. L'affection cancéreuse est à lente évolution, 3 années d'incubation. Son inoculation et son début ont été démontrés par des faits cliniques. C'est un malheureux qui est atteint d'épithélioma buccal pour avoir voulu fumer la pipe de son oncle mort de cancer. C'est un médecin belge qui succombe à un cancer de la langue après avoir reçu dans la bouche un fragment d'épithélioma labial. Ce sont les maisons à cancer des Anglais où l'on voit le nombre des cancéreux augmenter, les habitants mourir un à un du cancer qui les affecte tous. Voilà, on est en 1938, il y a 80 ans, donc c'est une autre acception du cancer. À l'époque, on entend contagieux, héréditaire. Une réaction à cette archive, Olivier Delattre? Alors, c'est une vision un petit peu péremptoire, à la lumière de nos connaissances actuelles du cancer. Alors, cancer contagieux, non. Le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Le cancer peut, dans un certain nombre de cas, être provoqué par des virus. Et on connaît bien en particulier le papillomavirus, qui est responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme, et pour lequel il existe une vaccination maintenant. Et ça me permet d'insister d'emblée sur l'intérêt de cette vaccination. Deuxième point, cancer, maladie héréditaire, oui, ça existe, mais c'est pas la majorité des cas. C'est de l'ordre de 5 à 10% des cas environ qui surviennent dans un contexte héréditaire avec plusieurs cancers dans une même famille. Et là, il peut y avoir dans ce cas un gène anormal qui est hérité par les différents membres de la famille et qui prédispose au cancer. Geneviève Almouzni, sur cette archive, qu'en pensez-vous? C'est une autre époque, c'est une autre ère de la compréhension du cancer qui faisait des ravages et qu'on ne savait pas du tout. On entend parler des maisons de cancéreux en Grande-Bretagne. C'est vrai que la formulation est quelque part surprenante. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit ils y vont de façon très franche. Donc ça fait peut-être réfléchir sur la manière d'assener des vérités de manière aussi ferme, alors que les recherches ensuite démontrent que sur la partie contagion, comme Olivier l'a mentionné, on ne peut pas dire que le cancer soit une maladie contagieuse. Sur la partie hérédité, là aussi, il faut nuancer les apports des recherches, notamment avec toute la génétique qui a pu être menée, montrent que effectivement, c'est un nombre de cas limité et on parle plutôt de cancers qui sont liés à des prédispositions, pas forcément que le cancer est génétiquement codé, ce qui n'est pas tout à fait, tout à fait la même chose. Oui, voilà. Olivier Delattre. Pour rebondir sur l'aspect contagieux, oui. On connaît certains modèles de cancer contagieux chez l'animal. Le diable de Tasmanie, pour ne citer que lui, avec sa tumeur faciale. Il y en a trois que j'ai en tête. Il y a le diable de Tasmanie, il y a les sarcomes vénériens chez le chien, et puis il y a la leucémie de la moule. Hein, vous voyez, donc c'est quand même des organismes très particuliers. Mmh. Et donc là, on sait que c'est des cellules tumorales qui peuvent être transmises d'un animal à l'autre. Mais vous voyez, c'est des modèles absolument exceptionnels. Ceci dit, il faut peut-être aussi se rappeler que ce sont quand même des travaux qui ont été menés en virologie, qui ont permis de progresser énormément pour identifier les oncogènes, avec les virus tels les virus du sarcome de Rous chez le poulet, qui ont mis en lumière quelque part des gènes extrêmement importants, mais dont on trouvait la contrepartie présente aussi au niveau des génomes humains. Donc peut-être que là, il y a un amalgame qui peut aller un peu vite et qui montrerait que l'aspect virologie, contagion, voilà. Ce qui n'est effectivement pas la même chose. Sur ces différents types d'ailleurs de cancer et d'induction du cancer. Peut-être un mot sur ce que je citais en introduction, ce sont les projections de Fabien Calvo, qui est directeur scientifique d'un consortium européen sur le cancer et qui évoquait, je crois que c'était dans une interview au magazine La Recherche, la guérison de 3 patients sur 4 à l'horizon 2030. Que faut-il penser de cet horizon? C'est un objectif atteignable? C'est optimiste, pessimiste, Olivier Delattre? Alors, c'est toujours un peu difficile d'avoir des objectifs chiffrés. C'est bien d'avoir un objectif, parce que ça crée une dynamique, ça crée un enthousiasme, ça crée un travail de la part des chercheurs et des médecins. Maintenant, il faut se rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans le cancer, on pourra y revenir plus tard, et que ces inconnus, c'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'ils vont être levés. Hein, c'est toute la problématique de la recherche, c'est de savoir quand est-ce que la recherche va aboutir. Ce qui est sûr, c'est que les connaissances en cancéro se sont considérablement accrues depuis 30 ans. Et que, autant il y a 30 ans, on ne savait pas ce que c'était qu'un cancer, autant, à l'heure actuelle, on commence à bien comprendre ce qui se passe dans la cellule. Est-ce qu'il y a Geneviève Almouzni, aujourd'hui, des cancers que l'on traite mieux? C'est-à-dire que, d'ailleurs, employer le mot de guérison, c'est un peu controversé. On parle de rémission, toujours plutôt pour un cancer que de guérison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cancers qui ont des taux de rémission à 5 ans, à 10 ans, beaucoup plus élevés que d'autres, qui sont mieux connus, mieux circonscrits et mieux traités? Pour ces chiffres, je pense qu'Olivier, tu serais probablement mieux placé que moi pour donner des chiffres précis. Par contre, je serais intéressée de rebondir sur les aspects connaissances. Mais tu peux peut-être... Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Des cancers, il y en a plusieurs centaines, voire peut-être même plusieurs milliers différents. Il y en a à l'heure actuelle qui se soignent très bien. En particulier une tumeur rénale chez l'enfant, qui s'appelle le néphroblastome, qui se traite très bien. La leucémie aiguë de l'enfant, lymphoblastique, se traite très bien. Donc beaucoup de cancers se traitent bien. Et par contre, il y en a d'autres qui restent encore extrêmement difficiles à traiter. On parle du cancer du pancréas. Il y a des progrès importants qui ont été réalisés sur le cancer du poumon, dernièrement, grâce à l'immunothérapie. J'imagine qu'on y revient. On va y reparler. On va en reparler dans quelques instants. Sur l'aspect de ce que vous disiez des objectifs, j'aurais revenir une minute sur ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 60. Au début des années 60, John Kennedy dit « À la fin de la décennie, on ira sur la Lune ». Et effectivement, en 69, Armstrong met le pied avec la formule qu'on connaît bien. Et il faut se rendre compte que, finalement, c'était pas négligeable, mais c'était une histoire d'ingénierie. Toute la théorie pour aller sur la Lune, on la connaissait. Nixon, en 70, dit, eh ben voilà, on a été sur la Lune, et donc à la fin des années 70, on va guérir le cancer. Et ça n'a pas marché, puisqu'on est encore en train de faire des progrès, et on a encore beaucoup de progrès à faire. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est qu'à cette époque-là, on ne savait pas du tout ce que c'était que le cancer. Donc Nixon a dit, on va traiter le cancer, mais il n'y avait pas du tout les bases théoriques qui permettaient de se dire, voilà les voies qu'il faut suivre pour arriver à traiter le cancer. Geneviève Almouzni. Oui, donc moi je voudrais revenir sur cette question de l'incrémentation des connaissances, parce que je pense qu'on a quand même fait des bons significatifs à cet égard concernant le cancer, pour d'ailleurs ne pas parler du cancer, mais des cancers. Évidemment. Et même quand on s'adresse à des cancers qui sont identifiés par rapport à un tissu, certains de ces cancers sont différents. Donc la capacité à stratifier et à décortiquer la nature plus précise de chacune de ces maladies par rapport aux patients est devenue quelque chose d'extrêmement important. Donc ça c'est, je pense, un premier point. Ensuite, c'est de démêler aussi le fait que c'est pas juste la cellule cancéreuse toute seule, mais c'est la cellule cancéreuse dans son environnement et au niveau d'un individu qu'il va falloir prendre en compte quand on va chercher à traiter véritablement cette maladie. Donc je crois que les sommes de connaissances sont maintenant quand même assez importantes et qu'on n'arrête pas de les développer. On est avec une capacité aujourd'hui d'accumuler des informations sur chacun de ces cancers individuels très importantes. Donc le travail qui est devant nous, ça va être aussi d'être en mesure d'analyser ces données et de les intégrer pour pouvoir dégager des modèles qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, mais aussi de prédire pour chaque patient la manière dont il pourrait réagir à un traitement ou un autre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons du cancer et de l'état de la recherche aujourd'hui en cancérologie, autant dans le diagnostic, dans la compréhension, dans la connaissance de ces différentes formes de cancer que dans le traitement. Peut-être effectivement, Geneviève Almouzni, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on le dit, c'est une formule qu'on emploie souvent ici, mais à juste titre, on parle du cancer et c'est une appellation assez impropre parce qu'en fait, il s'agit de maladies différentes qui ont le même type de mécanisme, mais qui incluent sous le cancer différents types de pathologies qui sont très distinctes, et ce qui va expliquer d'ailleurs une certaine difficulté à comprendre les mécanismes de ces différents types de maladies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en effet, si on considère peut-être simplement, pour exemple, le cancer du sein, on dit le cancer du sein, mais derrière ces formes différentes, on a un ensemble très hétérogène de différents types de maladies. Et même à l'intérieur d'un tissu donné, on a encore affaire à de l'hétérogénéité au sein de l'organe qui peut être atteint. Donc cette capacité à comprendre cette hétérogénéité est absolument essentielle si on veut pouvoir cibler correctement la maladie. Olivier Delattre, sur ces différents justement types de cancers et qui vont appeler différents types de réponses en termes de traitement. Alors, on peut dire que pour définir un type de cancer, il y a deux aspects qui sont à prendre en considération de façon importante maintenant. C'est un... Quelle est l'anomalie de programme qui caractérise la cellule cancéreuse? En gros, quelle est l'altération génétique ou épigénétique qui amène la dérégulation à l'origine du cancer? Et deuxième chose, quelle est la cellule d'origine dans laquelle se produit cette altération? Et on voit tout de suite que pour une même cellule d'origine, il peut y avoir plusieurs dérèglements de programme et qu'un même dérèglement de programme peut aussi survenir dans différentes cellules, ce qui va amener une grande variété de cancers. Pour rebondir sur les aspects d'hétérogénéité intratumorale, qui sont très importants, parce que un cancer est une forme d'organisme qui évolue avec le temps, qui développe des mutations, qui est un espèce d'organisme avec les cellules tumorales, mais aussi avec les cellules saines de l'organisme qui sont là, les vaisseaux, les cellules de soutien. Et donc on a maintenant des méthodologies extrêmement performantes qui vont permettre d'analyser au niveau de la cellule unique leur patrimoine génétique et précisément les gènes qu'elles expriment. Donc on a cette possibilité maintenant d'arriver vraiment à aller très loin dans l'analyse de cette hétérogénéité intratumorale. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aussi quelque chose qui paraît pour vous peut-être évident, mais qui n'est pas forcément très très clair, puisque si le cancer, ce sont des cellules qui se mettent à proliférer et qui deviennent immortelles et qui se répandent dans tout l'organisme, peut-être rappeler pourquoi qu'est-ce qu'il y a de mortel dans cette prolifération tumorale, Geneviève Al-Mouzni ? Pourquoi est-ce qu'on finit par mourir d'un cancer ? C'est une vaste question. C'est vrai que le fait que cette maladie progresse induit un certain nombre de réactions au niveau de l'ensemble de l'organisme et des aspects inflammatoires, des réactions tout azimut, de la destruction également, qui sont tout à fait délétères pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc c'est vrai que ça démarre avec cet aspect de prolifération anarchique, mais envahissement aussi d'autres régions, et c'est au détriment d'autres propriétés importantes des tissus. Olivier Delattre. Pour compléter, ouais. Juste peut-être, c'est le cancer va devenir une maladie mortelle à partir du moment où la tumeur primitive envahit des organes clés de l'organisme, hein, des vaisseaux, le cœur, le cerveau, bien sûr, ou à partir du moment où les cellules tumorales s'échappent de la tumeur primitive et viennent atteindre un organe cible, comme par exemple le cerveau ou le poumon. C'est ce problème des métastases. C'est le problème des métastases. Voilà, tout à fait. C'est là où... C'est la tumeur primitive suivant sa localisation et les métastases suivant leur localisation. Ce sont les différentes phases. On parle de phase 1, 2, 3 et 4 qui est la dernière phase, qui est la phase métastatique, c'est ça ? On a les formes les plus agressives, les plus avancées aussi. Et alors vous avez évoqué quelque chose d'important, Olivier Delattre, et qui concentre un certain nombre de recherches à l'heure actuelle, celle de cette cellule originelle. Sur quoi portent ces recherches et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce mécanisme de la cellule de la cellule zéro, comme on pourrait dire le patient zéro, de là où tout a commencé? Alors peut-être pour replacer dans le contexte, je crois qu'il y a trois aspects très importants de développement thérapeutique à l'heure actuelle, qui sont l'anomalie génétique ou épigénétique elle-même. Et dans un certain nombre de cas, on peut cibler directement cette altération génétique. Par exemple, je vous donnerai un exemple qui est un médicament qui s'appelle le larotrectinib. Dans certaines tumeurs de l'enfant dans lequel il y a l'activation par une translocation chromosomique d'un récepteur membranaire. Et là, le larotrectinib vient inhiber complètement l'activité de ce récepteur. Et est un traitement qui marche de façon remarquable. Deuxième aspect, c'est la cellule d'origine. Alors cette fois-ci, on n'attaque pas l'altération génétique ou épigénétique, mais c'est la cellule d'origine. Un des exemples les plus connus, c'est le cancer du sein. Quand on traite avec des inhibiteurs, des anti-estrogènes, ce qu'on traite, c'est la cellule d'origine, on appelle la cellule luminale du cancer du sein. Un autre exemple, on en reparlera peut-être plus tard, les cellules CAR-T, qu'on appelle ces cellules, donc on en reparlera certainement. Je pourrais les plus définir à ce moment-là. On va reparler des cellules CAR-T, parce que c'est un des... Les cellules CAR-T, donc, sont des cellules qui ciblent, en particulier dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, une protéine membranelle qui s'appelle CD19, mais qui n'est pas spécifique des cellules tumorales, qui est une protéine des lymphocytes B. Et puis le troisième aspect, donc ça c'est l'aspect, on peut envisager, et il y a des exemples concrets, où on peut cibler donc la cellule d'origine. Et puis le troisième aspect, on y reviendra aussi certainement, c'est l'environnement. Comment jouer sur les cellules tumorales, mais à partir de l'environnement, en particulier en boostant le système immunitaire. Geneviève Al-Mouzni, sur cette quête de la cellule originelle, sur sa façon de le traiter, pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, je pense que sur cette question de la cellule originelle, évidemment, ce qu'on cherche à attraper, c'est la cellule dangereuse. Alors, je ne sais pas si on peut si aisément dire originelle parce que ça donne l'impression que c'est parti d'une seule cellule et que c'est celle-là qu'on va pouvoir cibler. En réalité, comme le disait tout à l'heure Olivier, on est dans un environnement dans lequel il y a des divisions cellulaires, il y a de l'évolution et il est possible aussi que en ciblant un type de cellule qui était celle qui avait causé au départ la première tumeur, on n'ait pas touché d'autres cellules qui, elles, vont évoluer et devenir et acquérir des capacités tumorales dans un deuxième temps. Donc, on doit essayer de trouver ce jeu qui est de à la fois cibler cette cellule originelle et empêcher qu'il y en ait d'autres qui puissent elles-mêmes devenir des cellules originelles d'un deuxième type de cancer aussi. Olivier Delattre. Je pense que on est dans des mécanismes d'adaptation évolutive qui sont un peu les mêmes que les mécanismes darwiniens d'adaptation des espèces, où une cellule, en fonction des stress et des contraintes auxquelles elle est soumise, peut arriver à évoluer. C'est ce qu'on appelle le modèle en branche. C'est le modèle en branche, qui n'est pas le seul modèle. C'est quoi alors le modèle en branche? Dites-nous un peu en quoi ça consiste. Alors le modèle en branche, il y a en fait deux modèles en branche qui se complémentent peut-être l'un et l'autre. Il y a un premier modèle en branche qui est strictement génétique, c'est-à-dire une cellule altère une altération génétique qui la rend transformée, qui la rend maligne, et les cellules filles, petit à petit, acquièrent d'autres altérations génétiques. Donc on a une espèce d'arbre généalogique de la cellule qui se crée. L'autre modèle en branche, qu'on va plutôt appeler un modèle hiérarchique, c'est de dire dans une population tumorale, de cellules tumorales, il y a des cellules qui sont des cellules souches, qui vont être capables de se régénérer elles-mêmes et qui vont être capables aussi de donner lieu à d'autres cellules qui ont perdu ces caractéristiques souches. Mais donc c'est les cellules qui sont capables en permanence de régénérer la tumeur. Les cellules souches cancéreuses, les CSC aussi, c'est un domaine de recherche important justement pour comprendre ces mécanismes. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a assez peu de temps finalement. Je passe sous votre contrôle évidemment, je dis à Mouzni. Alors cette notion de cellules souches, c'est vrai qu'elle est aussi quand même débattue dans le sens où finalement ce sont des cellules qui ne prolifèrent pas beaucoup, mais sont capables de réenclencher tout un programme dans lequel elles peuvent acquérir des propriétés tumorales. Donc c'est plutôt peut-être des cellules persistantes parce qu'elles ne vont pas être touchées par les traitements qui visent les cellules proliférantes et elles seront prêtes à se réveiller et à relancer un programme tumoral. Voilà. Ça, un mot peut-être aussi pour comprendre finalement aussi, Olivier Delattre, comment et pourquoi dans les rapports entre justement la cellule tumorale et son environnement, pourquoi ces cellules tumorales, en fait il faut peut-être aussi réexpliquer que des cellules tumorales spontanées, on en a, elles sont éliminées assez rapidement par notre organisme, on en fait certainement tous au cours de notre vie, mais bon, on ne développe pas de cancer. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné ça échappe à notre système immunitaire? Alors là, vous posez une question majeure. Si j'avais la réponse... Eh bien, il n'y aurait plus de cancer. Voilà, ce serait fini. Il n'y aurait plus de cancer. Alors, vous avez raison, mais c'est encore au stade de l'hypothèse, parce que par définition, ces cancers dont on arrive à se débarrasser spontanément, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Donc, leur nombre, leur fréquence, leur taille, on ignore tous ces aspects-là. Mais c'est une supposition et qui a été bien documentée dans certains cancers qui ont une tendance à régresser spontanément. C'est-à-dire qu'on voit cliniquement et qui vont régresser spontanément. Et l'un des exemples très connus est une tumeur de l'enfant qui s'appelle le neuroblastome, qui peut exister sous des formes relativement bénignes de tumeurs parfois très volumineuses, mais qui vont régresser spontanément, parfois même métastatiques, et qui vont disparaître sans qu'on fasse rien. Et puis au contraire, dans le neuroblastome, des tumeurs beaucoup plus agressives et qui vont encore aujourd'hui résister aux traitements intensifs qu'on peut avoir. Ce qu'on maîtrise en revanche relativement bien, Geneviève Al-Mouzni, c'est le fait que, et là on commence à mettre un peu les doigts dans l'immunothérapie, c'est que les tumeurs et les cellules tumorales ont tout un système d'inhibition du système immunitaire qui fait qu'effectivement, au lieu d'être repérées comme antigéniques, comme des choses à éliminer par le système immunitaire, eh bien le système immunitaire va passer à côté, va ne pas les voir, elles vont devenir invisibles pour notre système immunitaire, et ces mécanismes-là, on commence à les connaître relativement bien. Alors, il est vrai qu'a priori, le système immunitaire est là pour pouvoir reconnaître le non-soi. Or, les cellules tumorales, elles sont quand même du soi, mais un soi un peu perturbé. Donc, la difficulté, c'est comment le système immunitaire va être capable de reconnaître à quel moment on est parti sur quelque chose qui devient un peu un ennemi du soi. Et là où la difficulté est grande, c'est aussi cette inhibition, donc ces freins, ce qu'on appelle les checkpoints, qui empêchent donc les cellules immunitaires de reconnaître et d'éliminer les cellules cancéreuses. D'où l'utilisation d'anticorps qui permettent de bloquer ces freins et d'autoriser la machinerie immunitaire à reprendre le dessus. Donc ça, c'est une approche qui a été développée et qui s'avère efficace pour un certain nombre de cancers, notamment dans le cas de mélanome. Néanmoins, ça ne marche pas tout le temps. Donc il s'agit de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une question, pourquoi est-ce que l'immunothérapie, ça ne marche pas non seulement sur tous les types de cancers, mais surtout, il y a une vraie interrogation, Olivier Delattre, sur le fait que certaines personnes, ils sont plus résistantes que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur qui l'immunothérapie ne fonctionne pas. Alors, pour revenir peut-être sur le système immunitaire normal, le système immunitaire normal est un système extraordinaire pour nous défendre contre toutes les agressions externes et interne. Mais c'est un système qui doit être extrêmement précisément régulé, parce qu'il ne faut pas que ce système se retourne contre l'individu. Hein. Donc c'est des maladies auto-immunes. Les checkpoints dont parlait Geneviève sont effectivement des barrières pour dire attention, le système immunitaire, à certains moments, il faut l'activer, et puis il faut aussi savoir le freiner pour pas que ça se retourne contre l'individu. Et les cellules tumorales, en tout cas certaines cellules tumorales, dans certains cas, le système immunitaire reconnaît ces cellules tumorales, mais les cellules tumorales arrivent à exprimer une protéine qui va inhiber le système immunitaire. Elle va utiliser en fait un checkpoint normal de l'organisme pour calmer le système immunitaire dans certaines circonstances, mais elle va l'utiliser pour elle-même, pour empêcher le système immunitaire de venir l'attaquer. Il y a quelques recherches intéressantes, notamment sur des modèles animaux comme les éléphants qui développent très peu de cancers et dont on voit que justement vraisemblablement il y aurait un lien entre cette très faible occurrence de tumeurs chez l'éléphant et les copies, la surexpression d'un gène qui est le gène LIF6. Qui peut me parler de ça, Olivier Delattre? Oui, je peux vous parler de ça. Il y a certains animaux qui sont très... Le cancer existe chez des animaux très très primitifs. Hein. On a retrouvé du cancer chez le corail, enfin des animaux vraiment qui sont lointains. Mais il y a certains animaux qui sont quasiment épargnés par le processus cancéreux. Vous avez mentionné l'éléphant. On pourrait imaginer que l'éléphant, vu sa taille, sa masse, son nombre de cellules, développe beaucoup de cancers. Il n'en est rien. Et il y a probablement plusieurs éléments qui expliquent ça. Tout d'abord le gène, dont vous venez de parler, qui est une découverte très très récente. Mais il y a aussi que on a dans chacune de nos cellules des gènes qu'on appelle des gènes suppresseurs de tumeurs, qui sont là pour inhiber la prolifération. Et nous, certains de ces gènes, comme par exemple la P53, on en a deux, donc hérités de chacun de nos parents, et l'éléphant en a 23 ou 25. Donc l'éléphant a une protection beaucoup plus forte contre ça. Il y a un autre animal qui est passionnant pour ça, qui est un animal très moche, qui s'appelle la rataupe. Le rataupe nu. Le fameux rataupe nu, oui. Alors, je sais pas si vous avez vu des photos, c'est vraiment pas un bel animal. On en a parlé ici, on va vous mettre des photos du rataupe nu, effectivement. Et donc, cet animal qui peut vivre une trentaine d'années, qui vit sous terre comme une taupe, ne développe quasiment pas de cancer. Et le sujet d'études intense pour comprendre pourquoi il ne développe pas de cancer. Et l'une des raisons, qui est probablement pas la seule, qui a été trouvée, c'est que le tissu de soutien des cellules, c'est-à-dire tout ce qui est les collagènes, sont un peu différents d'animaux normaux, et empêchent la prolifération tumorale. En tous les cas, empêchent l'extension des tumeurs. En tout cas, je trouve que c'est absolument fascinant de regarder avec le prisme de l'évolution comment certains organismes ont réussi à se sortir de cette menace que peut être le cancer. Effectivement, les exemples cités sont tout à fait intéressants. Et pour ce qui concerne l'éléphant, vous parliez du gène LIF6, mais qui est directement relié aussi à cette surexpression de P53, puisque ce gène est impliqué dans l'induction de l'apoptose et lui-même... L'apoptose, c'est la destruction des cellules. Voilà, et, c'est ce, et il est lui-même sous le contrôle de la protéine P53. Donc on voit comment cette amplification a permis d'arriver à cette résistance. Et ce qui est amusant, c'est de réaliser que sur le plan expérimental, il y a des souris qu'on avait appelées les super souris P53 dans lesquelles ils avaient introduit un nombre multiple de copies de ce gène P53 et ça les rendait évidemment beaucoup plus résistantes aux tumeurs. Donc là, il y a une cohérence. Et sur ce type de recherche justement génétique chez ces animaux résistants naturellement, ça peut donner lieu à des débouchés thérapeutiques ou c'est vraiment juste de la recherche fondamentale qui nous permet à mieux connaître, qui nous permet de mieux connaître les mécanismes tumoraux liés de l'âtre? Alors effectivement, au départ, c'est une recherche qui est très fondamentale pour essayer de comprendre, mais par définition, quand on comprend, on peut agir, et c'est tout l'intérêt de coupler une recherche fondamentale avec après des recherches qui sont plus directement reliées à la pathologie humaine. Mais on peut apprendre beaucoup avec ces organismes modèles. Say you have a cancer of the lungs. They say a man smoke tobacco. Say a man smoke tobacco. Say a man smoke tobacco. It's a divine holocaust. They say a man smoke tobacco. Say a man smoke tobacco. Say a man. Oh my God. You ask me why do you smoke, but you don't. And talk, and you never have a look at the clouds. You see, in heaven, angels smoke too. They do get bored, baby, like me, like you. And if it's not stress, I guess it must be happiness that make them sing those lovely SOS. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. I was raised, I was oppressed. I feel pain, I feel dread. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. Marlboro, Marlboro Lights, Daniel Cole, Lucky Strike, Camel Blin, Craven Eight. Was blown. That's a major. Oh, you tell me it's suicide. It's true, we don't have so much time to start a cure of this intoxication. But it's so hard to be a modern, to be a careful with your health. I'm not a sportsman after all, cult of the body. Destroy my soul. I Was Born a Cancer de Jack the Ripper sur France Culture à 16h35 bientôt, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui dans notre émission. Nous parlons à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le cancer, de la recherche en oncologie, de la recherche fondamentale sur les mécanismes tumoraux, mais aussi de la recherche appliquée pour de nouvelles thérapies. Nous en parlons avec Geneviève Almouzni, qui est directrice de recherche CNRS de l'équipe dynamique de la chromatine à l'Institut Curie et avec Olivier Delattre, médecin-chercheur et directeur de l'unité mixte génétique et biologie des cancers INSERM et Institut Curie. Eh bien, avant de parler évidemment de la recherche thérapeutique, il y a un autre domaine de recherche qui est évidemment très très très important, c'est celui du dépistage, notamment du dépistage précoce. Aujourd'hui, voilà, il faut faire une biopsie, c'est invasif, c'est compliqué, et on cherche évidemment des moyens de détecter précocement les tumeurs. C'est un travail très complexe pour des raisons que vous allez comprendre dans quelques instants. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors voilà, détecter le cancer avec une prise de sang, dans les cheveux, voire dans la laine, il y a plein de pistes qui ont été évoquées. Vous êtes rendu à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes pour la microfluidique, où une équipe de l'Institut Curie, justement, travaille sur un test sanguin à base d'ADN tumoral. Oui, un test qui est basé sur la microfluidique. Alors la microfluidique, c'est l'étude et la manipulation des fluides à l'échelle du micron, et c'est un champ qui a été appliqué à l'oncologie pour son potentiel de détection. Il est possible, à partir d'une goutte de sang, de traquer des biomarqueurs cancéreux, comme des fragments d'ADN tumoraux ou bien même des cellules entières qui circulent dans le sang. Je suis allée voir l'équipe de Stéphanie Descroix, chercheuse CNRS à l'Institut Curie, qui est actuellement en train d'améliorer cette technologie. Pour l'ADN tumoral circulant et les cellules tumorales circulantes, il s'agit de biomarqueurs qui sont extrêmement peu concentrés. Il y a un seuil qui a été défini dans un certain nombre de cancers qui correspond à 5 cellules par millilitre de sang, 5 cellules tumorales. Alors il faut imaginer que dans un millilitre de sang, il y a des milliards de globules rouges et des millions de globules blancs. Donc c'est extrêmement difficile d'aller les chercher. Alors du coup, comment la microfluidique techniquement parvient à détecter très finement ces micro-concentrations ? Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect que vous allez voir dans notre laboratoire directement dans les salles de manip où on essaye d'extraire spécifiquement cet ADN pour le concentrer. Une autre valeur ajoutée de la microfluidique a été la possibilité de digitaliser l'échantillon. En réalité, vous avez un nombre donné de molécules d'ADN et l'idée c'est que celle que vous cherchez, elle est très peu concentrée donc dans cette marée de molécules d'ADN qui ne vous intéresse pas. Donc le seul moyen d'avoir l'information, c'est ce qu'on appelle digitaliser l'échantillon. Dans un système classique qui ne serait pas digitalisé, on aurait le signal de l'ADN tumoral qui serait complètement noyé dans le bruit de l'ADN sain. Présente Man et Emile, qui sont les deux jeunes personnes doctorants et post-doctorants qui travaillent sur l'analyse de biomarqueurs circulants. Donc ici, c'est la manip qu'on appelle, qui a un très joli nom, qui s'appelle Ephesia, qui est le nom de cette puce microfluidique. Juste sur le principe, ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules tumorales circulantes, lorsqu'elles sont dans le sang, elles portent à leur surface des protéines qu'on ne devrait pas trouver dans les autres cellules sanguines. D'accord ? En fait, on dit qu'elles ont un caractère épithélial. Donc là, ce que nous avons développé ici, c'est un peu comme un flipper, mais microfluidique. C'est-à-dire qu'on a des colonnes de particules magnétiques qui sont dans une chambre, et les cellules vont rentrer à l'intérieur de cette chambre et vont se cogner sur ces colonnes de particules magnétiques. Et ces colonnes de particules magnétiques, elles ont une particularité, c'est qu'à leur surface, il y a un anticorps spécifique qui vient reconnaître cette protéine qui est à la surface des cellules tumorales. Donc toutes les cellules vont rentrer, se cogner sur ces colonnes. Si jamais elles portent cet antigène, elles vont directement être capturées sur les colonnes. Mais si c'est des globules blancs qui ne portent pas cet antigène, ils vont continuer comme la boule de flipper à se cogner, mais ils vont traverser la forêt de piliers magnétiques sans s'arrêter. C'est ce qu'on est en train de voir là. Exactement, c'est ce qu'on voit sur une vidéo. La vidéo en cours. Là, on en voit qu'on en a pas mal, donc c'est une patiente qui a pas mal de cellules tumorales circulantes ici. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder de plus près à quoi ça ressemble, ce dispositif microfluidique ? Alors, c'est d'abord ici un microscope. Ensuite, on a une puce qui est donc cette partie-là, mais on peut la voir en dehors de la puce. Et tout autour, ici, on a une bobine de fil de cuivre. Et cette bobine de fil de cuivre, en fait, nous permet d'appliquer le champ magnétique, d'accord ? Et de former ces colonnes. Et les billes magnétiques, lorsqu'on va passer le courant, vont s'assembler sous forme de colonnes qui vont être verticales dans la puce. Ensuite, on a un certain nombre de connexions fluidiques, ici, qui sont contrôlées par pression, qui nous permettent aussi d'injecter l'échantillon de la patiente et ensuite les différents réactifs pour venir identifier finement et caractériser finement ces cellules une fois qu'elles ont été capturées. Donc la puce, c'est un thermoplastique, dimension d'une carte de crédit, là en l'occurrence c'est même un peu plus petit. Donc ce qui est vrai, c'est que en général, là, vous allez voir le résultat, on vous montre les cellules, etc. Avant, en microfluidique, il y a ce qu'on appelle la microfabrication pour être capable de générer ces systèmes. Ça, c'est une puce qui est assez jolie. On dit qu'elle est en forme de diamant parce que vous voyez, il y a toute cette ramification qui permet d'injecter le liquide à relativement haut débit à l'intérieur de la puce. Et ici, on a des zones qui sont des zones rectangulaires et dans chacune de ces zones, on va retrouver ces piliers magnétiques. En fait, c'est comme un circuit imprimé, c'est des micro-canaux. Ah voilà, c'est un circuit imprimé fluidique. Et on va pouvoir injecter des liquides de façon contrôlée à l'intérieur de ces ramifications. Alors, cette patiente, elle souffre de quel type de cancer ? C'est un cancer du sein qui est soit HER2 neg ou HER2 positif, en fait. C'est un sous-type de cancer du sein. Nous, on s'intéresse à ce type de cancer, en fait, pour étudier l'interaction sur la surface de ce récepteur, qui est le HER2. Alors, du coup, là, vous avez commencé une nouvelle manip. Oui, en fait, le système était monté hier. En fait, il faut mettre les billes là-dedans, il faut faire un traitement de surface. Et là, j'ai pris des cellules, et maintenant, je vais les injecter dans le système. Ça va prendre à peu près 5 minutes que les cellules s'adhèrent bien aux billes. Après, je vais lancer une analyse biochimique. Et la première étape, c'est de fixer les cellules en place et faire le traitement qui va durer à peu près 2 jours. Après 2 jours, j'aurai des résultats que je peux analyser via un système informatisé. En fait. Donc Émile est en train de bouger la platine du microscope pour pouvoir justement nous mettre dans une zone où on verra bien ces colonnes magnétiques et pouvoir assister en direct à la capture de cellules sur ces colonnes magnétiques. Voilà. Bah là, on vient d'en voir quelques-unes qui viennent directement de ce... Ah, capturés, oui. Vous les voyez. Donc en fait, les ronds noirs ici qu'on voit sur l'écran correspondent aux colonnes magnétiques et on voit des petits ronds blancs qui là sont les cellules qui vont venir et dès qu'elles rentrent en contact avec les colonnes, elles vont être capturées pour celles qui présentent cet antigène à la surface. Du coup, cette patiente, elle a ce type de cancer et dans notre étude, on utilise les HER2 neg comme contrôle pour étudier les HER2 positifs. Oui, parce que cette plateforme qui a été développée ici n'est pas que une plateforme de capture et de comptage de cellules. Et on a un essai clinique actuellement avec une compagnie pharmaceutique, Roche en l'occurrence. Une étude qui est drivée au niveau de Curie par le professeur François-Clément Bidard, sur lequel on va essayer d'étudier quelque chose d'assez spécifique à la surface de ces cellules. C'est comment deux protéines peuvent venir ce qu'on appelle se dimériser, c'est-à-dire se coller l'une à l'autre à la surface de ces cellules. Et aujourd'hui, il y a des médicaments qui permettent de bloquer ces interactions. Ça a été très étudié sur les tissus, mais personne n'a jamais réussi à étudier ça sur des cellules tumorales circulantes. Or, quand on sait que ces cellules tumorales circulantes sont la graine des futures métastases, il paraît assez évident d'essayer de comprendre aussi des mécanismes au niveau de ce type de cellules. Vous êtes en train de dire que grâce à ce genre de méthode, on peut adapter en amont le type de traitement qu'on va administrer aux patients ? Oui, l'idée c'est ça, c'est qu'effectivement, on a en général l'information sur le tissu, sur la tumeur primaire, mais grâce à ces cellules tumorales circulantes, on peut aussi avoir une idée sur la caractérisation des cellules qui vont être les cellules qui vont se disséminer dans le sang, et donc adapter le traitement aussi en fonction des caractéristiques de ces cellules. Voilà la quête d'un biomarqueur universel qui permettrait de diagnostiquer, de faire des diagnostics précoces du cancer. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Olivier Delattre ? Le travail effectué par Stéphanie Descroix et ses collègues à l'Institut Curie et à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes est absolument remarquable dans ce domaine-là, en utilisant des techniques de physique, d'ingénierie, de microfluidique. C'est un potentiel absolument exceptionnel. Il y a peut-être 2 aspects qu'il faut voir. Le premier, c'est le dépistage. Et quand on parle de dépistage, donc on a une population de personnes, et la question est de savoir est-ce qu'il y a un cancer qui est là et qui pour l'instant n'est pas apparent d'un point de vue clinique. Et il y a beaucoup d'espoir actuellement sur les approches d'ADN circulant. L'ADN circulant, c'est les cellules tumorales, quand elles prolifèrent, elles poussent et puis elles meurent. Et en mourant, elles relarguent dans le flux sanguin leur ADN. Et comme on en a parlé, cet ADN est porteur de petites altérations génétiques qui peuvent être détectées dans le sang. Donc quand on détecte dans le sang certaines altérations génétiques, ça signifie très vraisemblablement que dans l'organisme, il y a à un niveau ou à un autre, un cancer qui se développe. Donc ça, c'est des techniques qui sont encore un peu de science-fiction, mais qui sont développées, qui sont fortement développées et qui pourraient être très intéressantes pour le dépistage dans les populations. En 2 mots, qu'est-ce qui bloque là-dessus ? Pourquoi est-ce que c'est encore un peu de la science-fiction ? Il y a plusieurs aspects qui bloquent. Il y a des aspects technologiques. On est quand même dans de la technologie qui est fine, qui est difficile. Il y a un aspect d'interprétation sur lequel il faut être prudent. Je pourrais vous donner un exemple de dépistage chez l'enfant qui était sur le papier formidable et qui s'est révélé finalement pas si formidable que ça. C'est l'exemple du neuroblastome, j'en parlais tout à l'heure. Le neuroblastome est une tumeur qui existe chez le petit enfant et qui, en général, avant un an et demi, est de bon pronostic. Et qui existe chez le grand enfant, après un an et demi, qui, en général, est de mauvais pronostic. Et donc, l'idée, bien entendu, était de se dire, si on peut dépister le neuroblastome du jeune, eh ben, on évitera qu'éventuellement, il évolue vers une forme plus grave plus tard. Et le neuroblastome sécrète des formes d'hormones qui s'appellent les catécholamines, qu'on peut assez facilement détecter dans les urines. Donc, dans plusieurs régions, au Japon, dans la région Rhône-Alpes, en France, au Canada, dans les années 70-80, on a mis en place des technologies de dépistage dans les urines systématiques à la naissance ou à 6 mois, des catécholamines. Et on s'est rendu compte que, en faisant ça, on augmentait considérablement le nombre de neuroblastomes avant un an et demi, et qu'on ne diminuait pas le nombre de neuroblastomes après un an et demi. Donc c'était une forme d'échec du dépistage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe deux formes complètement différentes de la maladie. Il y a une forme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est avant un an et demi, qui a une tendance à régresser spontanément, et c'est celui-là qu'on détectait. C'est-à-dire qu'on détectait des neuroblastomes qui autrement allaient régresser spontanément. Et à partir du moment où on les détectait, on les opérait. Forcément, on ne pouvait pas rester. Et on ne diminuait absolument pas les neuroblastomes à un âge plus grand. Donc vous voyez, il y a des études importantes à faire. Ça paraît simple sur le papier, mais il faut quand même être prudent dans les conclusions qu'on peut dresser. Geneviève Almousny, sur cette question du biomarqueur universel et sur aujourd'hui les limites ou les difficultés justement à réussir à trouver, peut-être même pas de biomarqueurs universels, mais en tout cas des biomarqueurs solides pour différents types de cancers ou pour les cancers les plus fréquents. Alors, sur l'approche circulante qu'on peut essayer d'analyser dans le sang, en particulier avec des approches comme ce qui a été décrit par les travaux remarquables en microfluidique, il y a ce qui a été mentionné par Olivier concernant l'ADN, sur lequel on peut aller chercher des mutations. Là, il s'agit de pouvoir détecter ces mutations et de pouvoir savoir aussi ce qu'elles signifient par rapport au type de cancer auquel on s'intéresse. Mais il y a aussi la cellule, qui était ce que décrivait Stéphanie, et qui là était plus dans l'idée de détecter des cellules qui soient potentiellement à l'origine de métastases. Donc qui vont indiquer... Donc là, on est déjà dans un cancer qui existe. Et puis la question, qui est en phase tardive, voilà, surtout. C'est ça. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a déjà des risques de redistribution dans d'autres organes. Donc ça, c'est une forme de dépistage distincte de la première qu'il faut considérer. Évidemment, ça nécessite qu'il y ait suffisamment de cellules en question pour qu'elles puissent être identifiées et ensuite pouvoir essayer d'intervenir. Donc là, les technologies évoluent de plus en plus. Donc je pense qu'on devrait pouvoir être en mesure d'analyser de moins en moins, travailler sur de moins en moins de matériel. Ça progresse vraiment de manière formidable. Après, il s'agira d'être en mesure de faire la même chose que ce que Olivier décrivait dans le cadre de l'aspect plus diagnostique, c'est de s'assurer que l'information récoltée à cette échelle-là, elle a bien l'impact qu'on pensait qu'elle pouvait avoir sur le côté métastatique. Et donc là, il y a quand même encore des recherches à mener. J'aimerais qu'on parle un peu aujourd'hui des percées, ou en tout cas des publications, comme je les évoquais au tout début de cette émission, parfois un peu sensationnalistes dans la presse généraliste, en disant ça y est, vers un vaccin universel contre le cancer, ou des progrès pour dire que finalement on arrive à trouver des médicaments ou des solutions en tout cas thérapeutiques originales et très très efficaces. On a parlé ici même il y a peu de temps, je crois que c'était vendredi dernier, d'une étude qui était assez spectaculaire, qui consiste en la transformation de cellules cancéreuses en adipocytes sur les cellules de gras. Olivier Delattre, vous avez vu passer cette étude et qu'est-ce qu'il faut en penser ? Oui, bien sûr. Alors, ça rejoint à la discussion qu'on a eue sur la cellule d'origine. Une fois qu'on connaît la cellule d'origine et qu'on connaît son potentiel normal, quel est son devenir normal dans l'organisme non atteint, on peut essayer de rendre cette cellule complètement différenciée. Et si on arrive à complètement la différencier, avec l'exemple des adipocytes que vous trouviez, on a gagné. Hein, c'est ce qui se passe dans certaines leucémies, qu'on arrive à différencier complètement. Donc les cellules ne prolifèrent plus et le problème est réglé. Hein, donc la capacité de connaître la cellule et de savoir quel est son destin et pouvoir jouer sur ce destin en la différenciant est une piste thérapeutique extrêmement intéressante. Geneviève Almousny, justement. Là, pour rebondir sur ce point, il est vrai que essayer de comprendre quelles sont les propriétés de ces cellules tumorales qui ont dévié de leur trajectoire normale est un élément essentiel pour ensuite les recanaliser et les remettre dans le droit chemin qui est leur voie de différenciation. Donc, en l'occurrence, sur le cas des adipocytes, c'est vers les cellules grasses, mais tu l'as dit aussi, hein, dans le cas de leucémie, il y a des choses tout à fait similaires avec l'acide rétinoïque qui permet de favoriser leur différenciation normale. Et donc là, on arrête la problématique de la cellule souche qui peut être dangereuse dans sa capacité à redonner de la prolifération. On a vu aussi, à propos de l'immunothérapie, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, un certain nombre de résultats toujours très intéressants et toujours assez spectaculaires dans la façon dont ils sont présentés. Je pense à une étude notamment qui a été publiée, alors c'est sur un modèle animal, donc on sait toujours que le passage du modèle animal au modèle humain est compliqué, que c'est pas systématique et que des études qui ont des résultats très surprenants et très épatants sur le modèle animal sont parfois extrêmement décevantes quand on passe aux essais cliniques. Le divoprocime, efficace à 100% sur la série, qui est un adjuvant qui permet de rebooster justement le système immunitaire et qui permet d'attaquer directement les cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Olivier Delattre? Oui, je vois l'étude auquel vous faites référence. Parce que 100%, c'est un chiffre qu'on n'a pas l'habitude de voir en recherche fondamentale. Attention, c'était dans un modèle quand même très, très, très particulier. C'est pour ça. Il faut toujours voir le modèle qui était utilisé. C'est sûr que pour tout ce qui est vaccination, immunothérapie en général, la façon dont on va injecter les choses, c'est-à-dire la solution dans laquelle les choses sont injectées, est très importante. Il n'y a pas que l'anticorps lui-même ou les cellules elles-mêmes, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'adjuvant, hein, qui permet de mieux présenter les choses à l'immunothérapie et à ce moment-là de la rendre plus efficace. Là, en l'occurrence, au niveau procime, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Et alors, que se passe-t-il quels sont les résultats de cette étude, si vous pouvez nous la rappeler en quelques mots? Je pense que au niveau du traitement, ils augmentaient considérablement l'efficacité de l'immunothérapie dans ce cadre-là, avec cet adjuvant, donc qui était censé présenter mieux les choses aux cellules immunitaires. Geneviève Almousny également, justement, peut-être un peu, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui on est allé au bout des promesses de l'immunothérapie? Est-ce que on a trouvé aujourd'hui un peu les limites, et comme on l'évoquait tout à l'heure, de ce qu'on appelait par exemple le recablage des macrophages, le fait de redire que l'immunothérapie allait trouver des solutions pour traiter à peu près tous les types de tumeurs? Je pense qu'on n'a pas fini, hein, et qu'il y a encore beaucoup de surprises intéressantes qui sont devant nous. Vous avez parlé de cette capacité à réveiller le métabolisme des macrophages, qui peut être une façon de les amener à manger les cellules tumorales, donc les stimuler. De la même façon, on a mentionné tout à l'heure les carticelles. Les cellules cartées. Oui. Et pareil, il y a maintenant les cellules natural killers qui sont également boostées pour pouvoir également éliminer le cancer. Donc je pense que au niveau du système immunitaire, on est en train de se rendre compte qu'on a vraiment une palette d'outils sur lesquels il est possible de jouer. Il va falloir trouver quel est le bon outil à prendre selon le patient et selon le cancer qui va pouvoir donner des résultats intéressants. Mais on est loin d'avoir tout compris. Puis il faut aussi que les tumeurs soient accessibles. Donc il y a aussi le problème de l'environnement et de l'accessibilité de la tumeur au système immunitaire qui est un élément tout à fait important. Olivier Delattre. Alors, en immunothérapie, comme vous le savez, c'est le prix Nobel 2018. L'année dernière, tout à fait. Donc, c'est un progrès majeur dans le traitement des cancers. Et ce prix Nobel, c'est sur l'identification de molécules inhibitrices, checkpoint, dont on parlait tout à l'heure. C'était LA4 et PD-1. Et très vraisemblablement, c'est très clair d'ailleurs, c'est pas vraisemblablement, c'est une certitude, il en existe d'autres, des checkpoints. Hein, et donc, il y a des progrès propres de l'immunothérapie qu'il faut attendre, auxquels il faut s'attendre, en ciblant ces autres checkpoints de la cellule. Hein, ça, c'est les progrès propres de l'immunothérapie. Et puis, quelque chose qui est très important actuellement, c'est les combinaisons. C'est-à-dire, l'immunothérapie par elle-même a un effet, et maintenant, ce qu'il faut, c'est la combiner avec des chimiothérapies ou avec des thérapies ciblées, de façon à attaquer la cellule tumorale par différents angles. Hein, comme je le disais tout à l'heure, attaquer à la fois l'altération génétique, la cellule d'origine, et le micro-environnement. Il y a une nouvelle voie intéressante, Geneviève Almouzni, l'épithérapie, c'est-à-dire une voie de recherche autour de l'épigénétique, justement, des cellules tumorales. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Alors effectivement, ça a été mentionné précédemment aussi par Olivier, outre les altérations qui sont à l'échelle de l'ADN dite génétique, on a des altérations qui ne sont pas codées dans la séquence de l'ADN et qui sont également des altérations qui impactent le phénotype des cellules. Donc s'il y a moyen d'intervenir à ce niveau-là, donc on peut sans toucher à la séquence d'ADN et de manière réversible changer un état donné. Donc les épidrogues qui sont ciblés sur la méthylation de l'ADN ou les modifications des histones sont... Ce sont les blocs compacts d'ADN qui permettent d'avoir ou non accès aux séquences codantes. De façon schématique, voilà. C'est ça, une façon d'organiser l'ADN dans la cellule. C'est la possibilité de jouer à ce niveau-là est un élément tout à fait intéressant. En particulier, on voit ça apparaître de plus en plus dans les combinaisons. Ce que mentionnait aussi Olivier, et dans des contextes particuliers où cela permet de sensibiliser plus fortement les tumeurs ou les cellules à certains agents, en essayant de toucher leur talon d'Achille, et à ce moment-là, on a des effets bien meilleurs de certaines thérapies. Donc les combinaisons immunothérapie et certaines épidrogues sont en ce moment des domaines en pleine extension. En pleine expansion, on voit le nombre de publications effectivement assez importantes, comme je l'évoquais dans les revues AAA, dans les revues type Nature et Science. C'est pas une semaine sans qu'il y ait au moins deux ou trois articles, deux ou trois publications à ce sujet. Peut-être un dernier mot, puisque on arrive à la fin de cette émission. Il y a un mot de prévention pour finir, parce que c'est bien évidemment d'acquérir des outils thérapeutiques plus grands, plus vastes et plus ciblés. Mais l'OMS estime que 40% des cancers seraient évitables. 40% des cancers, c'est énorme, c'est presque un sur deux. Olivier Delattre, aujourd'hui, le meilleur moyen de traiter un cancer, c'est de faire en sorte de ne pas le développer. Absolument. On sait que la grande majorité des cancers du poumon sont liés au tabac. Le cancer le plus mortel aujourd'hui, 22%. Oui, voilà. Que l'alimentation joue un rôle très important. Donc les aspects de prévention sont effectivement des aspects très importants à développer. Et il est très important qu'il y ait des études épidémiologique pour montrer sur quel où on peut jouer sur la prévention. Vous vous rappelez que pour identifier le tabac comme un carcinogène, ça a pris des années, avec des résistances majeures de la part notamment des industriels du tabac. Le tabagisme étant le facteur de risque le plus important du cancer, responsable d'environ 22% du total des décès dus au cancer. Voilà, ce sera le mot de la fin. Arrêtez de fumer, c'est mieux que d'attendre l'arrivée d'un médicament miracle qui viendra peut-être, mais qui n'est pas là tout de suite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Geneviève Almouzni, merci Olivier Delattre. Je prends quelques secondes pour vous orienter, pour orienter vos oreilles vers le tout dernier né de la grande famille France Culture, à mi-chemin entre création sonore et documentaire. C'est tout à fait passionnant, ça s'appelle L'Expérience, c'est un projet qui est piloté par Aurélie Charon, que vous pourrez retrouver tous les dimanches soirs de 23h à minuit sur l'antenne de France Culture, mais aussi en version intégrale via votre application de podcast préférée, avec une première série signée Amélie Perrault avec les réfugiés sur l'île de Lesbos en Grèce. Voilà, ça s'appelle L'Expérience. On va vous mettre un lien sur le fil Twitter de l'émission. C'est tout à fait passionnant. Et puis un mot également pour vous dire que le prochain forum est juste là, ce sera le 19 février, un forum France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, un mardi exceptionnellement. C'est gratuit. Pour vous inscrire, il faut aller sur le site Maison de la Radio, radio.fr ou franceculture.fr sur le thème participation, représentation, information. Est-ce le nouvel âge de la politique? Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean-Guilain Meige à la technique aujourd'hui. Demain, nous partirons tout au bout du monde pour vous parler de cet immense désert blanc qui détient peut-être les clés du basculement climatique en cours. Il s'agit de l'Antarctique. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.